En Corée, le concours de natation des enseignants et étudiants des universités à Pyongyang s'est déroulé du 19 au 21 courant à la piscine de l'université Kim Il-sung. Y ont pris part 360 nageurs sélectionnés d'une dizaine de grandes écoles de Pyongyang, notamment l'université Kim Il-sung. À la suite de la publication du classement, les meilleures universités et joueurs ont reçu les coupes, médailles et diplômes.